Vous écoutez? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1, une radio qui aime le son et qu'on peut retrouver sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, comme à l'habitude, heureux de vous retrouver. J'ai eu beau chercher les dénominateurs communs de ma sélection de ce soir, je n'ai trouvé qu'une seule piste, soit celle de l'expérimentation au sens fort du terme. On va entendre ce soir quelques créations sonores du Britannique Michael Tanner, qui diffuse des travaux sous le nom de Plint, des travaux de l'Italien Alessandro Bozzetti et de l'artiste Laurent Ferron, qui partage tout de même un intérêt certain pour le travail de la voix, proche tout ça de la poésie sonore. Et pour se mettre dans l'ambiance, eh bien, on écoute un premier titre de Laurent Ferron. C'est intitulé « Mal des transports », une très belle création tirée de l'album « Passage du Rolifère ». Passent des voitures pleines de plomb, des voitures pleines de tournevis, des voitures pleines de clous, de clés, des voitures pleines de vapeur. Des voitures pleines de cendres, des voitures pleines de bois flotté, des voitures pleines de propane, des voitures pleines d'hydrogène. Des voitures pleines de sable, des voitures pleines de poussière, des voitures sans passagers, des voitures vides. Passent des voitures pleines de plomb. des voitures pleines de tournevis. Des voitures pleines de clous, de clés. Des voitures pleines de vapeur. Passent des voitures pleines de cendres. Des voitures pleines de bois flotté. Des voitures pleines de propane. Des voitures pleines d'hydrogène. Passent des voitures pleines de sable. Des voitures pleines de poussière. Des voitures sans passagers. Des voitures vides. C'était le premier extrait de ce bel album intitulé « Passage du Rolifère » du créateur sonore, musicien Laurent Ferron. Ce qu'on raconte généralement sur lui, c'est un blogueur, un collectionneur de disques basé à Paris, qui propose depuis quelques années maintenant des « délices auditifs réévalués ». Le mot est entre guillemets, je dirais même « réinventé », inspiré par les musiques disparues de la circulation, bien oubliées sur d'obscurs blogs du monde entier. Laurent Ferron en refait autre chose sur le plan sonore pour prolonger ça sur le plan de l'écrit par des biais informatifs. Bon, évidemment, on pense à son blog et augmenter pour faire revivre aux auditeurs le contexte original des œuvres qu'ils partagent, des œuvres sonores. Ferron raconte en entretien au magazine Hyper Allergique, j'ouvre les guillemets, « Lorsque j'ai lancé mon premier blog MP3 en 2007, en numérisant et en téléchargeant des fichiers d'obscures sorties de musique expérimentale du passé, je me faisais simplement une niche où je pourrais me sentir chez moi avec la musique qui compte vraiment pour moi. » Alors, on écoute une création intitulée « Coquillages sonores », c'est tiré de l'album « Passage du Rolifère ». Coquillages sonores avec les voix des enfants perdus. Thank you. On vient d'entendre Coquillage sonore de Laurent Ferron, c'est tiré de l'album Passage du Rolifère, un album qui relate la démarche poétique et sonore de Ferron, une démarche centrée sur les sonorités disparues, oubliées. Passage du Rolifère, eh ben, c'est un album perdu que j'ai enregistré en 2018, raconte Ferron, et qui n'a finalement jamais vu le jour nulle part. Une collection de 8 morceaux avec des boucles, séquences, collages, ils sont trouvés. Il comprend également 3 chansons où, dit-il, je lis une partie de ma propre poésie en français. Les morceaux instrumentaux et les chansons traitent de problèmes personnels, de traumatismes de l'enfance, de peur et de perte des adultes, des thèmes que Ferron n'aborde pas habituellement, musique ou autre. Pour clore le segment, on écoute une très belle création intitulée « L'incendie chez Dérol », sur laquelle on peut entendre la voix de Asa Larsson accompagnée d'instruments virtuels, de sons trouvés, disques, poésie, voix, collage, j'en passe, on écoute ça. Thank you. Eh bien, merci Laurent Ferron. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1. Ça complète la première demi. Restez des nôtres. Je vous reviens avec un projet de conjugaison sonore et le créateur sonore Alessandro Bosetti. La peur et lui s'éveillaient chaque jour dans la peur. La peur et lui prenaient la contre-allée dans la peur. La peur et lui modifiaient leur itinéraire dans la peur. La peur et lui observaient sans cesse le ciel dans la peur. Adorait d'anciennes idoles dans la peur. La peur et lui scrutaient les vagues scélérates dans la peur. La peur et lui goûtaient des fruits amers dans la peur. La peur et lui cherchaient le réconfort jusque dans la peur. Enfouis dans la peur. La peur et lui consentaient de nouveaux sacrifices dans la peur. La peur et lui s'enfonçaient toujours plus dans la peur. La peur et lui traversaient un monde énigmatique. Dans la peur. CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Vous écoutez l'accroche-oreille sur les ondes de CKRL 89.1 qu'on peut trouver aussi sur ckrl.qc.ca quand on est loin du rayonnement herdien. Gaëtan Gosselin au microphone avec vous jusqu'à 22h en compagnie, cette fois de l'artiste et poète sonore d'origine italienne Alessandro Bozzetti. On le retrouve sur le label Carta Magnetici dont je vous ai déjà parlé. Alors son dernier projet sonore est vraiment magnifique, ça s'intitule Conjugaison, à la fois bande de relaxation, cours de langue et composition, texte, son, conceptuel. J'ouvre les guillemets. Conjugaison, raconte Bozzetti, est une méditation harmonico-grammaticale immersive faite de guirlandes tourbillonnantes, de verbes et de flux harmoniques, dans laquelle les harmonies sont déduites de manière générative des conjugaisons des verbes. Je referme les guillemets. Conjugaison invite donc l'auditeur dans une expérience synesthésique, à la fois inoptique et stimulante, faisant le pont entre des catégories d'objets parallèles et incongrus, tels que les verbes et les accords. Alors, je vous en propose un extrait qui dit tout, ça s'intitule « Qu'il avait », voilà, c'est tiré de l'album « Conjugaison ». Se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se avessero, se av Alors, c'était un extrait de ce beau projet d'Alessandro Bozzetti intitulé « Conjugaison ». Je reprends les termes de son projet. « Conjugaison » est un projet sonore qui relie et recombine 60 des verbes italiens les plus courants dans leurs 20 conjugaisons. Bon, c'est au total près de 8000 mots canoniques qui ont été enregistrés un à un, raconte-t-il. Et d'autre part, associer à chacun d'eux un nouveau contexte harmonique généré à partir d'un ensemble choisi d'intervalles et d'intonations justes. Bon, les possibilités combinatoires de cet outil linguistique musical sont pratiquement infinies, raconte Bozzetti. Je vous parle un peu de lui. Alors, Alessandro Bozzetti vit et travaille à Marseille. Il est compositeur, musicien, artiste sonore et artiste radiophonique qui s'intéresse à la musicalité de la voix, du langage et des langues. Il explore la frontière entre le langage parlé et la musique. Ses compositions abstraites, bon, sur disque, en performance et à la radio aussi, mêlent documents sonores, entretiens enregistrés, collages acoustiques et électroacoustiques, stratégies relationnelles, pratiques instrumentales et j'en passe. Sa démarche repose sur une exploration de la communication orale, des aléas, des processus de traduction et de l'écoute comme objet culturel à la frontière de l'anthropologie sonore et de la musique contemporaine. Bozzetti est l'auteur d'un vaste corpus d'œuvres électroacoustiques et de compositions, textes, sons, notamment pour de grandes institutions. Il a présenté ses performances en Europe, en Asie et aux États-Unis, que ce soit en solo, à la tête de son ensemble Trophy, avec Tony Buck et Kenta Nagal, en collaboration avec d'autres performeurs vocaux tels que Jennifer Walsh et Tomomi Adachi. Voilà pour nommer quelques-uns. Alors, on écoute cette fois une création intitulée « Sarano State », c'est tiré de l'album « Conjugazioni » de Alessandro Bosetti. Alors, on écoute ça. Avremo, Alors, c'était un extrait du dernier album d'Alessandro Bozzetti, intitulé « Conjugaison ». Pour compléter la demi de l'émission, je vous fais écouter cette fois des expérimentations de l'artiste britannique Michael Tanner, qui diffuse sous le nom de Plint. C'est un projet de création assez unique, assez fou, finalement, réalisé à partir de boîtes à musique et de machines sonores d'époque, qui illustre à merveille son dernier projet, intitulé « Victorian Machine Music », une trame réalisée à partir des craquements, des enroulements, des sifflements, carillons et coups de bois des machines à musique qui datent des salons de l'époque victorienne. Comme le souligne un journaliste du magazine Wire, bien que Plint laisse parfois apparaître des airs de carnaval, il utilise les machines à musique pour recréer des airs de jouet, des mélodies qu'il dit mélancoliques, à partir de tonalités métalliques et de cliquetis de machines. C'est un travail vraiment intéressant. Alors, on écoute ça, un enchaînement de pièces tirées de l'album intitulé « Victorian Machine Music ». C'est de Michael Tanner, alias Plint. Je vous parle tout de même un peu de Michael Tanner, musicien, compositeur, artiste sonore pour le moins inclassable. On raconte qu'il est presque impossible de contenir sa musique à un seul genre, opérant occasionnellement sous le nom de plinth. Tanner fait une musique qui se situe quelque part à l'intersection du folk celtique, de l'électronica ambiante, du drone, de la musique de Noël du 15e siècle. Bon, il faut le faire. Un critique souligne d'ailleurs que sa musique nous procure un climat singulier, voire un refuge pour la conscience sensible aux dangers qui peuvent nous entourer. Par conséquent, dit-on, la qualité onirique du projet Victorian Music Machine est un hommage à l'expérimentation. On va écouter cette fois un autre enchaînement de sonorités mécaniques. Et bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes Alessandro Bozzetti, Laurent Ferron et Michael Tanner alias Plinth, tous trois réunis autour de leurs albums respectifs, Conjugaison, Passage du Rolifère et Victorian Machine Music. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que vous retrouverez sur, entre autres, sur la plateforme Bandcamp. Je remercie particulièrement Donato du label italien Canto Magnetici de nous avoir transmis des pistes. Vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute à votre guise. Eh bien, restez des nôtres, c'est Rock Medium qui s'amène dès 22h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine la soirée sur des sonorités de Michael Tanner, alias Plinth, ce beau projet intitulé Victorian Machine Music. Alors voilà, depuis les studios de CKRL dans Limoilou, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thank you.